fait un rêve cette nuit. Oh là là, merci d'être venu me réveiller. J'ai vu de mon pouvoir, Tariq Kerry sera Jojo bégayé. C'est quoi ce putain de cauchemar? Nabila présente les infos sur iTélé. Marine fume la beuh avec Donald Trump dans un conflit défoncé chez les Hollandais. Posé sur le toit de ma tour, choc, j'atterris en 2-2 à l'horizon. Aussitôt je tombe dans le vide, j'étais dans le sud, je me retrouve dans le 13ème arrondissement. Dans un gros studio avec tous mes sahabs, ils tout à traque devant le mic. Y'a les enfoirés de Ali Lacrabe, sans fit avec Christophe Mahé, on fait de la trappe. Les MC rap plus de cette manière. Les poulets rôdent en roue arrière. Freestyle dans la street avec tous mes frères. Lino pose un set et ça pue sa mère. Moulouda Achour vend des poches en d'herbe. Réveillez-moi, y'a des cadavres par terre. Dans les mains, j'ai une arme serbe. Merde. Réveillez-moi, réveillez-moi, rien que je cauchemar. Réveillez-moi, réveillez-moi, rien que je cauchemar. Réveillez-moi, réveillez-moi, rien que je cauchemar. Réveillez-moi, réveillez-moi et rien que je cauchemar. Rien que je cauchemar. Rien que je cauchemar. Hey, rien que je cauchemar. Rien que je cauchemar. J'ai fait un rêve cette nuit, un rêve cette nuit, où tout était sombre. Entre doutes et raisons, seul y'avait plus personne pour écouter mes sons. Et les portes sont mes vers. C'est toujours le casse-pied, vu les leçons des frères. L'élite fait le casting, c'est dur de s'en défaire. Le rap est devenu un spin et vu sur les ondes FM. Tant qu'à ta porte, grosse dans la paume. Crois-moi, j'ai pu voir des crapules sans limite réparchées. Plus qu'une seule couleur de peau sous le drapeau. C'était Marine au pouvoir et les immigrés se cachaient. À part ça, je rêve qu'on se barre à Barça. On se casse. Avec tous mes gars fichés dans la street. À la base, mon rêve c'était pas ça. C'était Villa, Vietnam et Coffee Shop à Maastricht. Kobe Bryant a épousé Mimimati. Hanouna est devenu roi des Illuminati. À partir de minuit, ça tire, c'est le soir de la purge. Là, tu dois choisir ta team. Tu veux que je plie tout, mec, j'arrive. Quand certains prient pour être Shahid. J'ai rêvé que pour des mots, je finissais à Guantanamo avec Hilto et Shahid. Réveillez-moi, réveillez-moi, rien que je cauchemar. Réveillez-moi, réveillez-moi, rien que je cauchemar. Réveillez-moi, réveillez-moi, rien que je cauchemar. Réveillez-moi, réveillez-moi et rien que je cauchemar. Rien que je cauchemar. Rien que je cauchemar. C'était plus que Hammi, je voulais qu'il dure jusqu'à l'infini. Rien se basait sur l'oseille, les présidents n'étaient pas des MMI. Plus belle était la vie, ils ont même rayé de la carte de la vive. J'étais au bled, loin des Meshek Hill, ouais la Palestine était libre. L'ivresse n'était pas dans les livres, la richesse trouvée dans les livres. Les boîtes chicha faisaient faillite, j'ai même vu le pape qui fait de la hit. Il égorge l'agneau devant Shaïd, il tâche à la crabe sans la coche touche dit. Il tâche à la crabe sans la coche touche dit. L'Europe finit par couler, l'Afrique a presque tout récolté. Plus de femmes qui traînent en décolleté, alcool, casino était boycotté. Les humains t'es plus des moutons. Je me réveille, le monde est dégoûtant. Nucléaire où j'ai le bouton. Rien que je cauchemar.